aujourd'hui, tous ces gens arboraient fièrement leurs masques blancs. J'ai vu leurs yeux vides et transparents me regarder sans me voir véritablement, et passer à mes côtés sans sentir mes sentiments, me frôler, m'appréhender, fuir car je suis différent. Ne suis-je qu'un paria, un malfrat, un manant, un charlatan? N'ai-je pas moi aussi un cœur qui bat, une voix qui s'élève pour chanter ma joie, rapper mes peines, crier mon désir d'être entendu, d'être attendu, d'être aimé? Ne suis-je pas moi aussi un être humain? Ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. Ne les écoute pas, non, ils sont aveugles et froids. J'ai vu alentour les gens qui m'entourent me juger sans me connaître, rejeter mes mots, mes notes et mon flow. Et le flot des injures m'a incité à me taire, à cesser de chanter, à ne plus rimer jamais. Mais c'est ma nature, et ma vie sans musique et sans parole est une vraie torture. Ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. Ne les écoute pas, non, ils sont aveugles et froids. Et mes romans sans paroles ne sont pas dignes de celles de Maman Delson. Et tous ces rôles qu'on me donne ne sont que des étiquettes qu'on colle et qui collent à ma peau, que je voudrais décoller, arracher pour échapper à ce destin qui n'est pas le mien. Pour m'envoler et décoller vers des cieux lointains, loin des faux semblants, loin des masques blancs, loin de ces ombres souriantes qui me filent le bourdon. Ne les écoute pas. J'ai vu dehors un monde semblable à celui qui me glace, à celui que je fuis. J'ai vu des gens tourner la tête pour ne pas avoir à dire, puis médire de ceux qui ont eu le courage. J'ai vu ailleurs des gens s'élever contre la médiocrité, abattus en plein vol par la moralité. J'ai vu l'amour se détourner, se retourner pour ne pas avoir à subir les foudres de tous ces gens bien nés. J'ai vu avec mes yeux ouverts et ce que j'ai découvert m'a assassiné. Et mon cœur s'est serré et je n'ai pu me taire, et mon rap et mes rimes sont comme un fleuve qui ne tarirait jamais. Surtout ne te tais pas.